À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, l'ambassadeur cubain en Corée, Jesús del Los Ángeles Aice Sotolongon, a offert le 13 courant un banquet dans son ambassade. Y ont été invités Yang Jong-sop, vice-président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, et les cadres coréens intéressés. Y ont pris part les diplomates cubains.